Au cours de leur traversée des forêts indiennes, les trois compagnons rencontrent une procession. C'est un cortège qui accompagne la jeune épouse d'un raja décédé vers le suti, sacrifice prétendument volontaire. Mais le sacrifice qui aura lieu demain, au lever du jour, n'est pas volontaire, dit le guide. Comment le savez-vous? C'est une histoire que tout le monde connaît ici, répondit le guide. Cependant, cet infortuné ne paraissait faire aucune résistance, fit observer Sir Francis Cromarty. Cela tient à ce qu'on l'a enivré de la fumée du chanvre et de l'opium. Mais où la conduit-on? À la pagode de Pillaji, à 2 milles d'ici. Là, elle passera la nuit en attendant l'heure du sacrifice. Et le sacrifice aura lieu? Demain, dès la première apparition du jour. Si nous sauvions cette femme, dit Fogg. Sauver cette femme, monsieur Fogg, s'écria le brigadier général. J'ai encore 12 heures d'avance. Je puis les consacrer à cela. Tiens, mais vous êtes un homme de cœur, dit Sir Francis Cromarty. Quelquefois, répondit simplement Phileas Fogg, quand j'ai le temps.